À l'occasion du 7e congrès du Parti Travail de Corée, le comité central du Parti communiste biélorusse a offert une médaille au maréchal Kim Jong-un. La médaille Fidélité du Parti communiste biélorusse est transmise le 29 avril au chargé d'affaires par intérim coréen en Russie.